3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. On est de retour une fois de plus pour parler de l'actualité des Knicks. La semaine dernière, c'était pas foufou, on va pas se mentir. Cette semaine, on espère que ça sera foufou. Et là, on va voir ce qu'on va avoir, on espère en tout cas. On va voir ce qu'on va voir. On va voir ce qu'on va voir. En fait, on ne sait plus grand chose avec les Knicks en ce moment, il y a un peu de doute, c'est normal. Je suis avec Seb. Seb, tu vas bien ? Eh ben, écoute, on va voir. On fait aller. On va voir. On va voir ça. On va bien voir ce qu'on va bien voir. On va pas perdre de temps. Il y a encore pas mal de choses à débriefer quand même sur la semaine dernière. Et puis essayer de se projeter un petit peu sur la semaine à venir. C'est on sûr. Lance tout de suite l'épisode. On peut pas stop the count. 80. Non, c'est vrai que on est bien placé. On pourrait tout de suite partir en playoff. Ah, non, non, il manque du monde encore. Allez, on perd pas de temps, on lance le petit jingle et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière chez les Orange and Blue. Alors, on va voir ce qu'on va voir, mais qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière ? Qu'est-ce qu'on a vu ou qu'est-ce qu'on a bu ? Oui. Alors nous, pour enregistrer, on n'a rien bu. Mais côté Knicks, peut-être qu'ils ont bu des petits cocktails. Hein. La semaine dernière, il y avait la fameuse soirée qui a lieu tous les ans. Hein. Maintenant, c'est un petit rendez-vous qui s'appelle Kicks and Cocktail. Donc, il faut venir avec des baskets et on repart avec un cocktail. Donc, ces messieurs, dames, des Knickerbockers, puisqu'ils sont bien sûr accompagnés de leur compagne, ont l'occasion de venir poser, faire un petit peu la petite soirée à Manhattan, dans un club privé, je ne sais même pas où est-ce que ça se passe d'ailleurs. Peut-être qu'un jour, peut-être, sait-on jamais, lors d'un KNF Mecha Trip, on aura l'occasion de s'immiscer dans beau, ce genre de soirée. T'imagines ? Ça serait plutôt pas mal. Ça serait plutôt pas mal. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était ambiance de fête. Le groupe vit bien, ça, c'est une expression qu'on peut utiliser de façon assez régulière lorsqu'on parle de sport, et chez les Knicks, on peut dire que le groupe vit bien depuis qu'il y a eu la trade deadline, qu'on a évincé les vilains petits canards. Hein. Ça se passe plutôt bien côté Knickerbocker en ce qui concerne la vie de groupe. Voilà. Et en ce qui concerne les petites fêtes, eh ben nous, on a l'occasion, non pas d'organiser un Kicks and Cocktail, mais si vous voulez venir avec de belles chaussures, c'est possible. Non, nous, on va organiser une KNF Viewing Party. Oui, oui, oui. On est de retour depuis peu du KNF East Coast Trip. Petit t-shirt officiel, hein, en mode vintage, nostalgique, pour moi, aujourd'hui, sur cette vidéo. Et donc, on ne perd pas plus de temps. On organise tout de suite un nouvel événement de l'association, parce que l'association, c'est pas que des voyages. On aimerait partir plus souvent en voyage. Mais non, ce qu'on réalise plus régulièrement, c'est les KNF Viewing Party. Et il y en a une qui arrive tout de suite, enfin tout de suite, pas là aujourd'hui, pas là cette semaine, mais la semaine prochaine, ça sera donc le samedi 23 mars au Hideout Paris. Gare du Nord, enfin le lieu habituel, le lieu de rendez-vous de la Knicks Nation France depuis maintenant deux, trois saisons. Bref, notre espace privatisé qui vous accueillera avec plaisir avec nos amis Laurent et Abdoul pour organiser la réception, comme il se doit, des Knicks fans sur la région parisienne. Alors ça tombe bien, c'est un samedi, donc si vous avez l'occasion de monter sur la capitale, l'Île-de-France, c'est pas encore bouché par les Jeux Olympiques de 2024, profitez-en, venez faire un petit tour, un petit peu de tourisme à Paris, et puis festoyons ensemble pour une nouvelle KNF Viewing Party. L'adversaire du soir, l'adversaire de cette affiche, c'est ni plus ni moins que les voisins qui vont traverser eux-mêmes le pont de Brooklyn, les Brooklyn Nets qui viendront au Madison Square Garden. Donc voilà, c'est toujours une petite affiche plutôt sympathique pour un match qui commencera à 18h, le coup d'envoi à 18h, et on vous accueillera à partir de 17h30. Voilà le petit moment promo pour les événements de la Knicks Nation France. Voilà, voilà. Bon, ça, c'était histoire de commencer un petit peu de bonne façon cette émission. Parce que la semaine dernière a été compliquée, on en parle d'émission en émission, les blessures, il y en a eu, il y en a encore, et les blessés ne sont pas encore tous de retour, et puis un petit peu la polémique qui est revenue sur les réseaux sociaux, sur internet, avec la blessure de Jalen Brunson. Alors, cette blessure, elle avait été contractée en fin de semaine, il y a 2 semaines. JB n'était pas présent sur le premier match de la semaine passée face aux Atlanta Hawks. On aura l'occasion de revenir sur le match en tant que tel dans quelques instants. Mais voilà, les blessures, quand ça touche les Knicks et quand les Knicks sont coachés par un certain Tom Thibodeau, il y a des raccourcis de prix, il y a des raccourcis de faits. Forcément, un pseudo parallèle avec un meneur All-Star, MVP, Derrick Rose. Voilà. Est-ce que Tom Thibodeau utilise trop Jalen Brunson? Est-ce que c'est parce qu'il est trop utilisé Non, qu'il se blesse? c'est pas ça le terme. C'est est-ce qu'il l'a tué? C'est ça le D'autres terme de la médias vidéo. C'est est-ce qu'il l'a utilisent des titres. tué? Est-ce que Tom Thibodeau a tué Jalen Brunson? La réponse, elle est non, puisqu'il est encore en vie et qu'il joue encore au basket, hein, Des ça, fois, voilà. tu regardes ou tu lis des trucs. Alors moi, je sais, hein, des fois, je suis critiqué parce qu'on me dit oui, toi, tu réagis à l'instant T, machin, tout ça. Mais je vais pas utiliser des termes. Est-ce qu'il l'a tué? Faut voir aussi l'état actuel des choses. La photographie du moment. La photographie du moment, c'est que ben, tu as plein de blessés. Tu as tellement de blessés que tu es obligé en fait de donner plus de temps de jeu à Augmenter. tes hommes forts. T'as pas d'autre choix en fait. Donc ça a rien à voir par rapport à la blessure qu'il avait eu avec Derrick Rose. Bref, t'es tellement débile. Je n'ai même pas regardé cette vidéo tellement que ça m'a saoulé quoi. Donc une vidéo de nos confrères de First Team hein, pour pas le cacher. Ah ouais, Et puis c'est pas les seuls, hein, c'est pas les seuls qui font ce genre de raccourci. Il y a beaucoup parce qu'on lit les commentaires, que ce soit sur Facebook parce que oui ça existe toujours, que ce soit sur Twitter X ou voire Instagram. Il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui réagissent en disant mais oui, mais Tom Thibodeau de toute façon il rince ses joueurs, il utilise trop ses joueurs, il blesse ses joueurs parce qu'il les utilise à fond, il les presse. Eh, peut-être qu'effectivement, Tom Thibodeau est un coach qui donne beaucoup de minutes à ses joueurs phares, à ses joueurs de sa rotation courte, parce qu'on a entre 8 et 9 joueurs par match qui sont utilisés. Mais c'est pas non plus que une spécialité de Tom Thibodeau. Il suffit Non. de regarder un petit peu les box scores de chaque match qui ont lieu dans les équipes qui jouent quelque chose, parce qu'effectivement, c'est plus facile de faire de la rotation étendue lorsqu'on ne joue rien, lorsqu'on ne prétend pas gagner, lorsqu'on ne prétend pas se qualifier par rapport à de la post-season. Voilà, Tom Thibodeau n'est pas le seul à utiliser 8 à 9 joueurs par soir. Là, en ce moment, c'est compliqué parce qu'effectivement, la rotation, elle est raccourcie. Et faire jouer des Jacob Toppin, faire jouer peut-être des Shaq Milton, ça c'est encore un autre sujet. Faire jouer, qui sais-je, Charlie Brown Jr., c'est pas forcément gage Non mais de réussite et de gagner un match, quoi. une rotation à 8 en NBA, c'est presque la moyenne. Je te prends pas les derniers matchs, d'accord? Parce qu'on va me dire, ouais, mais regarde, il y a des blessés. Les Hawks, rotation à 8, à 9, pardon. Les Sixers, Celtics. rotation à 9. Tu regardes le match contre les Celtics qu'on a joué, où on s'est fait éclater. Je compte pas Springer pour une minute. Hein, rotation à 9? Tu regardes n'importe quelle équipe, ils ont des rotations à 9. Enfin voilà, C'est ni plus ni moins que naturel, et c'est plutôt l'inverse qui est exceptionnel de voir des rotations qui sont à plus de 10 joueurs. C'est souvent dans des garbage time, c'est souvent dans des Oui, blowouts. voilà. Alors est-ce que c'est une équipe qui a laissé filer un match ou au contraire est-ce que c'est une équipe qui a tellement dominé qu'elle peut se permettre de laisser Regarde les 4-5 minutes Pelicans, de temps de jeu dans le quand ils sont quatrième quart, venus, quoi. qui nous ont gagné, ça a fini en garbage. Donc forcément, tu as un Robinson, Crutcher et Seabrook qui ont eu 3 minutes. Mais sinon, la rotation, c'était Larry Nance, c'était, je crois que c'est Matt Ryan, il s'appelle, Marshall et Hawkins. Voilà, donc ça te fait 4 mecs sortis du banc. Donc rotation à 9. La rotation à 9 à NBA, c'est ce qui se fait en fait. Donc faut pas dire, ouais, mais il a une rotation à 9. Non, mais c'est ce qui se fait en fait, les gars. C'est ce qui se fait. Voilà, bon, c'était pour notre petit aparté retour sur la polémique qui enfle à chaque fois, de toute façon. Tom Thibodeau, oui, Ouais, c'est un Tom coach qui a des Thibodeau. rotations courtes, mais c'est clairement pas le seul dans cette ligue. Est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est un bien? Ça permet de mobiliser les joueurs, en tout cas d'avoir des joueurs qui peuvent avoir Il est leur de bon repère ton sur le de terrain. critiquer Tom Thibodeau. C'est Voilà. Bon, hype. allez. Voilà. C'est hype. Tom Thibodeau, par contre, il va avoir un casse-tête qui va se proposer à lui dans pas très longtemps, parce qu'effectivement, les retours de blessures, les retours des blessés que sont Julius Randle, OG Anunoby ou Mitchell Robinson. Ça se précise, on les voit de plus en plus à l'échauffement, au pré-game shoot-around, au warm-up. On les voit aussi animer quelques cliniques en ce qui concerne Mitchell Robinson. On l'a vu jouer avec des enfants, donc c'est que voilà, il se remet petit à petit en rythme de compétition. Il y a une signature, on l'a évoqué un petit peu, on ne l'a pas pour l'instant beaucoup vu, c'est Shake Milton, qui est venu un petit peu compléter le roster de l'équipe au niveau des lignes arrière. Donc dans pas très longtemps, on espère que ça sera le plus vite possible en fait, le casse-tête va se proposer à savoir comment Tom Thibodeau va pouvoir redéfinir ses rotations, parce qu'on a donné beaucoup de minutes, beaucoup de temps de jeu, et du temps de jeu conséquent à des Precious Achiuwa, on a donné du temps de jeu aussi conséquent à du Josh Hart, peut-être un peu trop parfois. Voilà, donc tout ça va aussi faire se poser des questions, comment rééquilibrer tout ça, comment redonner du temps de jeu au retour des blessés et des joueurs titulaires qui prétendent à ce rôle. La question qui se pose beaucoup, c'est de savoir le rôle de Mitchell Robinson. Est-ce que Mitchell Robinson, c'est quelqu'un qui a vocation à s'effacer, être plutôt en second rideau maintenant derrière Isaiah Hartenstein, ou au contraire, est-ce que tout de suite, il faut qu'il retrouve sa place de titulaire et qu'Hartenstein retrouve un rôle de backup? On voit que ces derniers temps, c'est aussi un peu compliqué, que les minutes sont gérées pour Hartenstein. Je ne sais pas quel est ton avis, toi, Seb, sur cette rotation au poste 5. Pour ce qui concerne Julius Randle ou OG Anunoby, on se dit qu'eux vont retrouver naturellement leur place. Là où il y a peut-être plus une réflexion, c'est Mitchell Robinson. Et on a pu voir sur des commentaires de notre communauté des gens qui disent « Mais non, Hartenstein, il a mérité sa place. Robinson doit rester sur le banc. » Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, c'est vrai que c'est pas évident non plus à décrypter, parce que tu te retrouves avec un mec qui a fait un début de saison canon, coupé dans son élan par cette blessure, qui peut revenir 4 mois après et arriver comme une fleur en disant bah tiens bah je c'est bon, ma place dans le starting five est assurée. Je comprends que d'un côté en fait on dise bah non, parce que bah t'as Hartenstein qui était là, qui a assuré, qui a fait de bonnes minutes, qui finalement défend bien, prend des bons rebonds, mais pas aussi un bon rebondeur que Mitchell Robinson, mais bon, il fait le café, on va dire. Et je comprends, d'autre côté, ceux qui disent, ouais, mais Mitchell Robinson, en possession de ses moyens, amène plus d'assurance défensivement et au rebond qu'un Hartenstein. C'est vraiment deux profils différents qui se complètent plutôt bien. Qui se complètent plutôt bien dans l'effectif. Ils se complètent bien, mais surtout, il faut voir après avec qui ils sont associés. C'est-à-dire que ben, on a quand même un Precious Achiuwa qui peut écarter en 4, et on a un Julius, évidemment, qui peut écarter en 4. Et donc, c'est vrai que l'un dans l'autre, moi, je veux te dire, après, il faut voir sur l'état de forme, il faut voir comment il revient. Je ne suis pas un partisan, je suis pas forcément un partisan qui revienne et qu'on le réinstalle en starter. En titulaire, même si je pense que peut-être que c'est ce que le coach va faire. Mais c'est-à-dire il va le mettre en starting, mais avec une limitation de minutes. Moi, c'est ce que je me dis. Mais après, non, Hartenstein mérite ce qui lui arrive. Après, on va voir à cet été, ça sera une autre question. Comment tout ça va s'organiser. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'en sortie de banc, tu t'imagines d'un coup, tu sors du banc, c'est pas Sims, ça. Hein. Tu sors du banc, c'est Mitchell Robinson qui sort. Tu vois le délire, mieux. Quoi. Donc, effectivement, peux, il va y avoir un. Tu peux avoir une rotation Hartenstein-Randle qui a bien marché aussi. Hein. Hartenstein-Randle, le mois de décembre-janvier, oui. ça a bien marché. Donc tu peux avoir cette rotation avec en sortie de banc Mitchell Robinson, Precious Achiuwa. Bon, bah écoute, y a pire quoi. Donc problème de riche. Mais en tout cas, effectivement, il y a aussi la situation contractuelle de Hartenstein, de Bogdanovic qui... au milieu de tout ça quoi. Et Bogdanovic qui est arrivé, tout ça. Qui joue plutôt sur les postes 4 hein. Dans ce qu'on voit ces derniers temps, il est plutôt en rotation de Precious Achiuwa. C'est pas un joueur qui évolue au poste 3. Non. Et puis au poste 3, tu vas avoir la rotation OG. Donc qu'est-ce que tu fais de lui quoi? Qu'est-ce que Ça va tu être fais de lui? intéressant à observer. On a En hâte sachant que que justement finalement, cet tu été. as Achiuwa qui bah, est peut-être un peu moins fort offensivement que. Enfin, il amène des choses différentes. Mais il arrive à rentrer ses trois, cependant. Mais par contre, défensivement, il n'y a pas photo. Hein. Precious nous apporte de fou, quoi. Donc. Il apporte, on le voit au contre assez régulièrement. Donc effectivement, l'absence de Mitchell Robinson, même si elle a été longue, même si on a tendance à l'oublier parce qu'elle a été compensée avec tous ses arrivées, finalement, au niveau de la dissuasion, au niveau du contre, l'arceau est toujours bien protégé, même avec Hartenstein, même avec Achua. Ce qui concerne Jericho Sims, c'est lui qui devrait retrouver le bout du bout du bout du banc. Mais ça va être intéressant de Là où voir est sa comment place? ces rotations vont s'articuler prochainement et on espère le plus vite possible. Bon, voilà, on se pose des questions. Peut-être que c'est cette semaine que ces retours vont commencer à se faire. En tout cas, on a hâte de les voir à l'œuvre et retrouver une équipe qui retrouve encore plus de force défensive avec les retours de OG et de Mitchell Robinson. Julius, la défense, c'est notre histoire. Bon, on va reparler quand même des trois matchs de la semaine dernière. Bon, au rayon des gens, Michel à peu près, je crois qu'on s'est encore bien planté sur les pronos. Les Knicks ne nous ont pas aidés. Moi, j'étais très confiant avec un 3-0. Bon, non, c'était pas loin de la cata. On aurait pu avoir un 0-3. Toi, c'est plus modéré, mais on était quand même à côté de la plaque. Et dès le début de la semaine. Tu te rappelles, j'avais dit 2-1, mais j'avais dit franchement, mon cœur Non. balancé pour un 1-2. Je Tu m'en rappelle regarderas la pas. séquence. Je m'en Tu rappelle regarderas la pas, séquence. mais tout ça est présent sur la Et toi, chaîne, t'étais sur là, l'épisode non, 80. non. 3-0, les gars, sortez les trompettes. À peu de choses près, à deux matchs près, on les avait. Non, voilà, pour bien recommencer cette rétrospective, bah oui, cette semaine est débutée par la réception des Hawks. On avait de toute façon trois matchs à domicile, oui, si je dis pas de bêtises, trois matchs à domicile, mais la réception des Hawks et une réception des Hawks privée de Jalen Brunson. Donc voilà, cette blessure qui avait été contractée en fin de semaine d'avant a fait que JB n'était pas encore apte, même si les signes étaient plutôt positifs le concernant. Et c'est Miles McBride qui a débuté. Miles McBride qui a fait encore l'essentiel de la rencontre. Donc oui, Elle beaucoup de jouait minutes. 46 minutes. Beaucoup de minutes, certes, mais il est jeune et il a l'air de plutôt apprécier ce temps passé sur le parquet. Donc tant mieux pour lui. Bah écoute, Ça. franchement, c'est lui, quand tu vois son le ce qu'ils ont re-signé, hein, faut bien se dire que ce type-là a été re-signé. Quand tu vois finalement ce qu'il apporte, c'est une belle re-signature parce que il Pas cher. défend, il attaque. Je trouve que son shoot s'est super bien développé. Il a un shoot. Alors. C'est sûr que contre les Hawks, on va me dire, ouais, mais regarde, il a shooté à 4 sur 15. Oui, ok. Mais parce que là, le gars, il a 46 Y a des soirs minutes. sans. Mais je trouve que, voilà, le petit McBride, tu vois, sur le match d'après, on le reverra. Mais sur le match d'après, tu vois, sur des minutes qui lui sont propres, c'est-à-dire que là, il va jouer 20 minutes sur le match d'après contre Orlando, et ben il est à 5 sur 7. Tu vois, donc je trouve que le petit Juice. Il a réussi à trouver sa place. Ouais, c'est bien. Franchement, qui? Alors, On moi, aurait je veux dit qu'on me que sur mette tous en les jeunes, commentaire. Quickley, Ah ouais. Barrett, Qu'on Grimes, me ça mette aurait en été lui. commentaire que parmi ces ça, tous, ça allait être le survivant et qu'il allait avoir une place dans la rotation. Alors là, celui qui a ça, il fallait qu'il joue au loto. Faut que. Mais en tout cas, voilà, sur ce match, il a été responsabilisé par la situation. Malheureusement, c'est un match qui n'a pas bien débuté pour les Knicks d'entrée de jeu. Et on le sait, quand les Knicks débutent pas bien le premier quart, c'est compliqué derrière de revenir dans la rencontre, surtout avec un effectif diminué. En face, il n'y avait pas de Trae Young non plus. Hein, il est blessé et peu probable qu'il rejoue du reste de la saison. Et les Knicks, malgré ça, en ayant mal débuté, on réussit petit à petit à revenir dans le match. Même si à la fin le score se finit par une défaite 116 à 100 qui laisse présager un gros écart et finalement un non-match. Non, il y a quand même eu match dans cette rencontre. Les Knicks à l'énergie sont revenus. Un Bogdanovic qui a mis des points quand il fallait. Un Dante, comme d'hab, qui prend la caisse, le carton, le ce que vous voulez, le conteneur de shoot parce que ça devient l'option numéro 1 de cette équipe. Ben, c'est Et il arrose ça. à 3 points. Ben oui. Donc bon, il joue dans un rôle qui n'est pas le sien, mais il 5 apporte et il sur contribue. 17 à 3. Ah, écoute, il a des shoots, il shoot quoi. Ah, Après, ben bon, ouais. Non, mais ça rentre 17 tirs pas. à 3. C'est son jeu, c'est son jeu. Bon, il a aussi la capacité à slasher et à jouer aussi proche du cercle par moment en alternance. Donc c'est ça qui est bien, mais il joue avant tout sur du cheat, shoot, pardon, du cheat, ouh, du shoot extérieur. Et des fois, c'est plutôt du cheat, c'est pas la bonne adresse. Donc voilà, finalement une défaite. Dommage, on a envie de se dire, parce que en fin de rencontre, les Knicks sont pas si loin que ça. En fin de troisième quart-temps, ça recolle aussi un petit peu et ça se joue à quelques possessions dans le quatrième. Mais à la fin, il y a un dernier coup d'accélérateur des Hawks et les Knicks qui sont dans le vent. Peut-être trop court, peut-être trop de blessés aussi. Hein, à la fin. On peut sortir cette carte Joker de l'effectif décimé par les blessures. Dommage, dommage parce qu'il y avait peut-être matière, il y avait peut-être moyen. Ce début de match, ce début de rencontre qui les a peut-être pas mis dans la bonne dynamique non plus. À la fin, ça se paye. Et l'effort fait pour revenir bah, se trouve à être payé en fin de rencontre, quoi. Je sais pas ce que toi tu as retenu, Sadiq Bey, DeAndre Hunter, Murray. Il n'y a pas eu non plus une domination des Hawks. Mais les Knicks, trop juste en fin de rencontre pour moi. Oui, trop juste parce que bah, de toute façon, c'est souvent le cas, c'est souvent à peu près ce scénario-là en NBA, quoi. C'est-à-dire que quand tu comptes un bel écart et que l'équipe qui arrive à recoller, c'est quand même assez rare que quand elle arrive à finalement à l'emporter, même si à un moment donné le momentum est de son côté, mais il y a quand même la fatigue, il y a l'influx nerveux qui prend le relais. T'as mis tellement en fait d'énergie pour recoller au score, que finalement ça en devient trop compliqué après pour franchir le cap après. Donc mauvaise entame, et puis tu cours derrière, puis voilà, Et il a peut-être manqué un tu GB, joues avec hein, une enfin roule pour à une sûr. rotation à, tu joues avec une rotation à 8 parce que t'as pas le choix. Donc ben voilà, tu te retrouves avec de grosses minutes de Sims, des minutes de Burks, et puis bon, ben Burks c'est son cadavre qu'on a actuellement, hein, il est vraiment pas bon quoi, c'est un peu ça, c'est quand même un peu dommage. Et puis voilà, bon ben écoute, non malheureusement, il faut faire avec quoi, et cette défaite était dommage parce que avec un meilleur entame on pouvait le prendre quoi, on pouvait le prendre. Parce que l'effectif est resté quand même soudé. On avait eu une belle rencontre, une belle victoire face aux Cavs la semaine d'avant lors de la blessure de Jalen Brunson. Mais là, on sentait que l'effectif était encore soudé. Mais voilà, on joue à l'énergie, on est vaillant, mais ça ne suffit pas tout le temps pour arriver à remporter ce genre de match. Dommage, ça démarrait mal la semaine. Derrière, réception du Orlando Magic. Là, tout de suite, c'était un autre adversaire qui était un peu Ouais. plus. Un concurrent direct dans cette Au conférence Est, complet. qui venait justement de passer quatrième devant les Knicks dans le classement. Heureusement, on enregistrait le retour de Jalen Brunson sur cette rencontre. Et donc là, voilà, il y avait clairement un sweep de saison régulière qui était sur la table avec la réception de ce Orlando Magic. Et un petit peu contre toute attente, parce que nous, on avait plutôt vu le match compliqué de cette semaine. La réception du Magic, et bien là, les Knicks ont plutôt passé un blowout Ouais. au Magic et un blowout avec la Et puis, manière ouais. défensive, Ah parce ouais. que le Magic a été retenu à 74 points, qui est le plus petit total du Magic cette saison, ça c'est certain. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui se sont retrouvées à être limitées à 74 points sur cette saison régulière en NBA tout court. Donc voilà, c'était plutôt avec la manière, l'adresse, le retour de Brunson a été bon. On a encore eu un bon Achua, on a eu un bon Hart, on a eu un bon Dante, enfin on a eu bref une belle équipe des Knicks qui est venue à bout de ce Magic. Tant Achua mieux, ça énorme, avec permettait 5 contre quoi. 5 contre son 14 record en rebonds, carrière. 15 points. Ah oui, il a été incroyable. Son record en carrière dans le secteur du contre. Donc voilà, on parlait de dissuasion et de solution derrière Mitchell Robinson qui manque depuis un petit moment. Achua, sur ce match-là, a fait une belle prestation. Bogdanovic, je ne sais plus. Enfin, Burks, on Bon, regarde plus Burks, il a vraiment joué ses 5 stats. minutes. Il a joué que Voilà, 5 minutes, 0 points. c'était déjà beaucoup pour lui, malheureusement. Et Bogda, Bogda, 6 points 6 points. en Bon, 12 plus discret minutes. sur cette rencontre aussi. Plus discret sur cette rencontre. Mais voilà, suffisant en tout cas pour venir à bout de ce Magic qui n'a pas démérité. Il leur manquait Jalen Suggs, donc ils n'étaient pas au complet non plus. Mais pour autant, on avait un Banchero. Remonté, hein, qui a pu faire l'étalage de son talent, que ce soit intérieur comme extérieur, un profil plutôt compliqué à défendre en l'état actuel des Knicks, À voir si c'est une affiche qu'on peut retrouver au printemps, avec pourquoi pas une opposition au premier tour des playoffs. Ça pourrait être intéressant. Mais bref, la jeunesse du Magic a fait montrer de belles choses. Jonathan Isaac également, qui est un joueur qui revient après de grosses saisons avec des blessures. Voilà, le Magic était un adversaire coriace, pas en réussite sur ce match-là. Les Knicks, au contraire, se sont montrés plutôt efficaces et alliés avec une défense de fer. C'est la défense qui a fait gagner les Knicks sur cette rencontre Complètement. et le retour de Brunson, bien sûr, qui n'est pas passé inaperçu sur ce match-là. Je ne sais pas si tu voulais relever un point particulier sur cette affiche Non, face au Magic. on l'a dit, la grosse défense de Precious quand il a fallu. Et puis voilà, un Jalen Brunson qui revient au bon moment, Josh Hart qui nous sort aussi un gros match. On a quand même un Dante qui marque un petit peu le pas ces derniers temps. Tu sens que quand même. Ça commence à peser la fatigue. Ouais, parce que tu sens que les organismes commencent à pêcher. Et c'est pas une, et c'est en rien une critique. C'est en rien une critique ni envers lui, qui fait une saison extraordinaire, ni envers ton petit Bodo, le coaching staff, qui compose avec les joueurs qu'ils ont sous la main pour essayer de toujours rester compétitif. Mais et justement, peut-être que c'est un des constats qu'on peut commencer à tirer de cette saison qui s'annonçait prometteuse, mais qui est en train de tourner au vinaigre. C'est que ces blessures-là sont en train de flinguer un peu les mecs valides qui ont jusqu'à présent tenu la baraque, mais qui n'ont pas eu le choix de jouer de grosses minutes. Et là, en fait, t'as un Dante qui pêche un peu physiquement, même Hart par moment. Enfin, tu sens que Hartenstein, tu sens que ouais, ça commence à être un peu dur. Ça va être un peu dur d'enchaîner les matchs avec des grosses minutes. Ça commence à être un peu dur pour eux, quoi. Heureusement, ce n'est pas des matchs en back-to-back. Il y avait un peu de temps entre ces deux rencontres. Ça permettait de souffler un peu. On était aussi sur des matchs à domicile. Les Knicks ont beaucoup joué au Garden. Ça va changer prochainement. Ça a Mais beaucoup comme tu changé. dis, les joueurs sur certains ont un peu marqué le pas sur certaines rencontres. Après, il y a toujours une production qui est présente, un temps de jeu conséquent aussi. On en a parlé en ouverture d'émission. Mais en tout cas, là où on avait des absences. Randle, qui est une absence importante au scoring. Là, on avait des absences aussi sur OG Anunoby, qui a fait finalement peu de matchs. Hein. On est sur moins d'une dizaine de matchs avec les Knicks depuis son arrivée. Eh bien, on attendait de voir qui allait step up, qui a élevé son niveau de jeu pour pouvoir compenser ses absences. Ça s'est fait clairement par les gars de Villanova, par Brunson, pardon, par Hart et Dante DiVincenzo, qui apportent voilà, aussi sur ce pan, sur la partie offensive. Malheureusement, c'est pas leur rôle. À un moment, il va falloir revenir un petit peu sur de l'usage normal et que ce soit des joueurs de complément, des role-players et pas les meilleurs marqueurs de ces rencontres non Eh plus, oui, non, tu pour peux pouvoir pas. retrouver cette Avec toute la densité d'effectifs. sympathie, avec toute la sympathie qu'on a pour ces gars-là, hein, qui se donnent corps et âme, hein. Mais Clairement, clairement. Mais c'est pas. ils font ce qu'on leur demande, à savoir compenser les absences. Ah, mais oui, Et complètement. ils le font bien, ils le font bien, ils le font bien, mais ils jouent un peu. En sur-régime depuis un En moment déjà, sur-régime. quoi. Voilà. Dernier match de la semaine, la réception de la dernière équipe, les Philadelphia Sixers. Alors, les Philadelphia Sixers, on les a rencontrés. On a été les voir lors du KNF East Coast Trip. C'était pas fameux quand même hein, ce que pouvaient proposer les Sixers à Philadelphie. Leur jeu est fortement amputé de la présence de Joel Embiid, ça on le sait. Là, pour le coup, ils venaient même sans l'autre autre star, à savoir Tyrese Maxey. Bon, ça semblait sur le papier un match prenable, on se disait ça. Et puis, finalement, on a eu un match, peut-être le pire match de la saison, Oh là là! de par une maladresse générale, parce que les Ah Sixers n'ont pas oui! non plus livré un match extraordinaire. Mais voilà, des Mais scores qui c'est un sont sac, plutôt c'est. dignes d'une autre époque, Ouais. avec à peine une trentaine, même pas 40 Welcome points à la mi-temps. to 90s! Mais des shoots qui ne rentraient pas, qui ne rentraient pas, et du shoot à 3 points comme à l'intérieur. Alors on se dit, bon, ok, la défense essaye de prendre le pas sur l'attaque, mais non, là c'est la maladresse généralisée. Brunson, qui à un moment donné, il faut attendre comment dire, le milieu du deuxième quart-temps pour le voir marquer des points, un premier point sur lancer franc, et puis après, voilà, ça a été difficile à se lancer. Mais voilà, une équipe qui a Il été. a dit, hein, j'ai joué comme une merde. Écoute, Jalen, pour le coup, effectivement, t'as pas aidé les Knicks à les mettre sur les bons rails. En face, il y avait quand même un Sur Kylori. 22, 1 sur 9 à 3. De toute façon, Un l'adresse à Kylori 3 points. qui l'a gêné quand même. Faut dire ce qu'il 9, faut dire. 9 sur 40 à 3 points côté X. 9 sur 40 à 3 points. Ouais, 3 on pour meurt 12 on vit et pour meurt par les Dante. 3 points, mais malheureusement, là, c'était plutôt la mort, hein. Donc, 3 non, sur non, 12 pour c'était. Dante. 1 sur 7 pour Josh Hart. 1 sur 9 pour Jalen Brunson. 1 sur 3 pour Achiuwa. Encore ça va. 0 sur 2 pour McBride, il n'en a rentré aucun. Burks, 1 sur 3. Bon, ben voilà. Enfin, Ça arrive, malheureusement, ça arrive, mais c'était une panne collective, le coup de la panne au Madison Square Garden. Alors bon, félicitations aux Sixers, il y aura l'occasion de prendre une revanche la semaine prochaine, enfin cette semaine, pardon, puisque les Sixers reviennent jouer au Madison Square Garden. Espérons un tout autre match, mais clairement non, l'adresse a fait défaut aux Knicks. Ils ont été vaillants, ils ont essayé de se battre encore une fois avec leurs armes, mais personne n'était capable de reprendre le flambeau pour donner l'effort nécessaire pour mettre les Sixers dans le rétro. bah, C'était c'est un match d'autant horrible plus à dur, regarder, par quoi. exemple, c'est... Ouais, déjà, il était dur à regarder ce match. C'est pour ça que si vous voyez bâiller, c'est... Parce que je l'ai regardé en cette nuit, donc c'est voilà, Saoulé, quoi. il a fallu rester réveillé. Moi, ce que je trouve dommage, c'est... Je vais te dire en plusieurs points. Je trouve dommage, un, bah, ce match que tu perds, donc 79-73, il y avait largement la place de le gagner. Quand tu vois surtout que bah, les autres équipes ont perdu, marquent un peu le pas, t'as Miami qui marque le pas... T'as Orlando qui marque le pas. C'est vrai que là, tu te dis, mince, là, c'est un concurrent direct qui est juste derrière nous. Donc, tu pouvais les mettre un peu plus loin encore, tu vois. Là, tu concrétises pas. Nous, en plus, en ce moment, avec nos blessés, ça aurait été tellement bien d'enchaîner deux victoires, mais tu le fais pas. Et j'aimerais jeter un œil quand même à ce petit Shake Milton à la place de Burks, quoi. J'aimerais. Bon, ça m'étonnerait, j'ai bien compris que Burks, c'est l'homme de Thibodeau, il le fera jouer et Milton Alors après, il sortira. n'a pas non plus un gros temps de jeu avec Burks sur Là, sa il a rencontre 12 non minutes, plus. il a 12 minutes, mais essayons de voir quoi. Punaise, c'est. Mais c'est son. Alors après, on va me dire, ah, ça y est, parce que j'ai vu des commentaires des fois sur X, on me dit, entre guillemets, presque j'ai des cibles, tu vois. J'avais eu RJ en cible, j'avais eu je sais pas quoi, soi-disant, non, je donne des stats, après, je donne des stats spécifiques, je vais pas vous donner des stats sur Brunson, on en parle là parce que oui, il a pas été bon, mais sinon, après, derrière, ce qui est intéressant, c'est de voir eh ben, les autres mecs à côté qui sont eux, vont faire pencher la balance, parce que les stars, finalement, vont toujours produire. Donc c'est surtout les mecs à côté qui vont influencer le résultat d'un match. Et tu te dis, ben, on a quand même balancé. Alors on va me dire, ouais, on a balancé Grimes pour le cadavre de Burke, c'est un Bogda qui marche sur courant alternatif. Bon, c'est sûr que sur le moment, l'idée On cherchait du scoring, on cherchait du scoring en sortie de banc. me semblait sympa. On cherchait du scoring en sortie de banc, mais le problème c'est que là, le temps de jeu de Burks c'est 10 minutes. Donc, enfin. Donc, on a un Burks qui c'est 10-12 minutes son temps de jeu, et on a un Bogda qui, lorsqu'en fait, comme on en a parlé, lorsque on va récupérer le roster au complet, on ne sait pas ce qu'on va en foutre. Et donc, alors en effet, voilà. Pour Evan Fournier, c'est tant mieux pour lui. Mais on a balancé un Grimes là-dedans pour un type qui est en bout de course et pour un type dont on ne sait pas ce qu'on va en faire dans la rotation. On a privilégié le Alors. court terme pour, par rapport au moyen terme vis-à-vis de Grimes. Ceci dit, effectivement, Grimes, c'était peut-être plus une sécurité. En plus, vous pouvez jouer des deux côtés du terrain. Là, on a quand même deux profils qui sont beaucoup plus Et offensifs. puis, et, il était pas. Mais... Il était pas... Il faisait pas que du 3 points, il savait faire de la pénétration, il savait faire de la passe, il savait faire Oui, on peut regretter son départ. Après, il fallait faire passer la pilule Evan Fournier. Voilà, il y avait la situation contractuelle à terme qui pouvait poser problème. En tant que Knicks, chez les Knicks, t'étais pas pressé de trader Evan. T'en fous en fait. Enfin, nous, on le voit parce Oui. que de notre œil franco-français, en se disant, ah, si, quand même, free Evan pour les JO, tout ça. Bon. Mais t'es Léon Oui. Rose, tu t'en tapes de tout ça. Tu Bien te sûr, dis bien sûr. Tu vois? De là, bon, S'il tu te fallait dis à la refaire limite. le trade aujourd'hui, effectivement, ce double trade, hein, parce que c'est Grimes plus Evan, et je sais plus s'il n'y a pas un tour de draft, il y a peut-être un second tour de draft dans l'histoire. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui on Attends, referait ce non. trade? À voir, à voir. Après, on l'a dit aussi, le groupe vit bien aujourd'hui. Il y avait des tensions, semble-t-il, en coulisses aussi par rapport au rôle de Grimes, qui était plus satisfait de Oui, son bien rôle. sûr. Non, mais ce qu'il Evan a été tradé, rongeait son c'est. frein depuis 2 saisons. Donc voilà, il y a une certaine On sait forme pas de. tout, évidemment. Il fallait mieux couper, entre guillemets, la branche, les feuilles mortes sur cette équipe et repartir avec des joueurs cuits. Pourront peut-être apporter. Peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, ils n'ont pas le niveau et le rendement attendu. Burks, clairement, lorsqu'on le met sur le terrain, c'est pour apporter un coup de boost offensif. Quand les shoots rentrent pas, bon, eh ben voilà, tu retournes vite fait sur le banc et tu es déçu de son utilisation. Mais à voir, ne jugeons pas tout de suite. Peut-être qu'effectivement, en ce moment, c'est pas bon. Là, sur ce match-là, on aurait bien eu besoin d'un petit crise d'adresse, 2-3 paniers à 3 points de Burks. Ils sont encore pas une fois arrivés sur ce match. Et c'est du temps où on se dit peut-être qu'on aurait pu mettre quelqu'un d'autre si on avait eu un autre joueur. Bon, Shake après, Milton, mais pas après. persuadé que ce soit le Non, profil qui aide sur cette non. rencontre, Mais je suis tellement saoulé en fait de mais. ce match d'hier. Je te jure, Ouais. ça, il m'a tellement gavé ce match hier. Enfin. Alors, j'ai une solution, n'en parlons plus, oublions-le, en mode Made in Black, on oublie, ce match n'a jamais eu lieu, et on va tout de suite partir sur le dernier élément, le dernier rubrique de notre rétrospective de la semaine passée. Si juste je peux faire un tout petit, On oublie, tout il petit, n'a un jamais eu tout lieu petit. ce Non, non, match, non, les bien sûr. Sixers. Mais tu te rends compte là quand même que donc les Knicks quatrième, Eh oui, quand même. on a 2 victoires d'avance sur le Heat 8e. Donc on est à, si on fait un petit point après, donc nos 3 matchs là, un petit point classement. Bon, t'as bien compris que les places 1, 2, 3 sont prises. Boston, Milwaukee, Cleveland. À la limite, la place 2, la place 3, qui va l'avoir entre Cleveland et Milwaukee? Mais on Ça, n'est plus dans maintenant, cette course-là. ça On se n'est plus joue dans là-haut. cette Voilà. course au Oh. podium. La course, je pense que en bas, Atlanta, Chicago, c'est fait pour le play-in. Je pense qu'on a les équipes, là, actuellement, de 1 à 10, on a les équipes play-off, play-in, je pense. Brooklyn, ça va pas revenir. Toronto, c'est trop loin. 23-41, c'est trop loin. Puis eux, dans leur intérêt, il va falloir aussi qu'ils pensent à perdre pour pas que leur tour de draft Oui. parte à Atlanta, je crois. Donc il faut qu'ils perdent. Et Brooklyn, là, on sent que quand même, là, on a eu Ben Simmons, ça y est, qui ne finira pas son énième saison NBA. Qui ça? Donc les, ouais. Alors lui, je ne sais pas comment il va faire pour trouver un prochain contrat. Bon, il lui reste encore une année à 40 millions. Et après, par contre, je pense que là, c'est le dernier, c'est le baroud d'honneur, quoi. Mais donc en fait, donc voilà, je pense que Atlanta, 10e, tu l'as, le 10e. Chicago, 9e, tu l'as. Mais maintenant, celui qui peut me dire qui va L'ordre finir d'arrivée de entre 4 4 et à. 8, entre les Knicks, 37-27. Le Orlando Magic. 37-28. Les Philadelphia Sixers, 36-28. Les Pacers, 36-29. Et le Heat, 35-29. Il Chapeau. reste un peu moins de 20 matchs. On a tous plus ou moins des blessés. Là, tu as eu Indiana, tu as eu Mathurin qui s'est pété pour la fin de la saison. Philadelphie, tu vas avoir Embiid qui va revenir, mais pour l'instant, il n'est pas là. Tu as Maxi, tu sais pas non plus s'il sera de retour. Tu Ouais, a crois qu'il priori sera de c'était retour au un prochain match? process Mais commotion, voilà, donc il devrait être retour pour prochain. après Orlando, ils sont au complet et le Heat est au complet. Donc là, tu as ces 5 équipes qui vont se bastonner pour 3 places en playoff. Actuellement, la Ça va être dynamique, intéressant. elle est pas de notre côté. Ceci dit, elle n'est pas non plus du côté du Heat qui, après avoir été encensé par pas mal de médias, ben là, ils sont sur 3 défaites consécutives. Et tu as dit Donc, leur position aujourd'hui du hit est. et 8e à Voilà, donc 35-29. tout peut aller Ils ont très vite dans 4 une victoires conférence qui d'avance. est. Ils ont 4 victoires d'avance sur les Bulls qui sont 9e. Moi, je te dis, pour moi, les 19, c'est Chicago, Atlanta. Eux, ils savent qu'ils vont s'affronter au premier tour du play-in. Je pense que c'est fait. Maintenant, voilà, entre 4, 5, 6, 7 et 8, qui Il va se peut. passer beaucoup de choses. Donc il Ouais, y ça aura va. quelques oppositions Là, directes la à venir dans les photographie de semaines maintenant prochaines. et pas celle qu'on aura dans 18 matchs. Ça, c'est sûr. Ça va beaucoup, beaucoup bouger, quoi. Voilà, donc effectivement, il vaut mieux prendre les matchs qui sont à la portée des Knicks quand Et ils se ouais, présentent. C'est c'est dommage que dommage, les quoi. Sixers ne se soient pas traduits par une victoire. Il y aura l'occasion de se reprendre. Bon, malgré tout ça, malgré cette semaine où une victoire et deux défaites des Knicks, une victoire face au Magic et deux défaites face aux Hawks et donc aux Sixers, qui avons-nous réussi à sortir comme joueur de la semaine? Alors bon, avec plus de défaites que de victoires, des performances qui sont inégales pour les joueurs, on est reparti sur roulement de tambour, ni plus ni moins que bah, le joueur de la semaine dernière, Josh Hart. Josh Hart qui est toujours là pour nous sortir plus de 40 minutes par match, pour faire des séances à plus d'une dizaine de rebonds, hein, il est souvent en double-double, à l'issue de ses nombreuses minutes passées sur le parquet. Un soldat, un valeureux, un joueur en sur-régime. Jalen C'est Brunson ça. aurait pu, pourquoi pas, hériter de ce titre, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il ne l'a pas eu, mais malheureusement, son match sur la pointe des pieds face aux Sixers ne plaide pas en sa faveur. Alors, Josh Hart, il n'est pas non plus Non. formidable sur cette rencontre-là. Bon, on aurait pu sortir Precious Achiuwa, hein, qui a fait 5 contres sur le match face au Magic, mais voilà, non, on va rester sur du Josh Hart. Clairement pas. Un choix plus par défaut sur cette semaine. Dante DiVincenzo, qui se rapproche du record d'Evan Fournier, devrait, pourquoi pas, avoir ses honneurs dans quelques temps, hein, s'il continue sur sa lancée et s'il retrouve une meilleure efficacité au shoot par une utilisation un peu plus modérée de ce nombre de shoots. Mais voilà, cette semaine, pour nous, ça sera Josh Hart. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à nous les faire part en commentaire. Ils seront bienvenus. Ce choix est plus un choix par défaut que réellement par une Oui. grande semaine éclaboussante du numéro 3 actuel d'Enix, hein, n'est-ce pas? Je sais pas si tu voulais rajouter un élément à charge ou à Non, décharge. ouais, oui, en effet, quand tu regardes ces stats-là, brut, ouais, c'est pas. C'est bien, mais c'est surtout tout Ah, mais pas l'apport, tout ce top. qu'il amène, toute cette énergie, Ouais. tout ce qu'il Ça fait, va quoi, au-delà sur le des terrain chiffres. qui est important. Il a retrouvé son niveau qu'il avait un peu perdu en début de saison. Là, voilà, tu sens qu'en effet, c'est ça qui est d'autant plus rageux, en fait. C'est que ces mecs-là, tu as l'impression de te dire, mais les pauvres, ils sont en train de se craquer physiquement. Alors que dans une rotation, tu aurais justement un Josh Hart en sortie de banc là, qui t'amènerait ça, là. Oh, ça serait du feu. Mais bon, c'est pas le cas, écoute. voilà. Quand tout va rentrer Non, dans non, l'ordre, très. il aura de retrouver aussi un rôle qui est plus un rôle de second unit que de starting five. Bon, ça c'était Oui, pour c'est la pour qu'il grosse est le sixième homme. rétrospective de la semaine dernière. On regarde quand même ce qui va se passer, parce que des matchs, il va y en avoir. Hein. Donc Des on matchs, il va y regarde en tout de suite ce avoir. qui se présente sur le calendrier des New York Knicks pour cette semaine. Allez, c'est parti! Alors, trois matchs la semaine dernière, un bilan de 1-2. Bon, trois matchs cette semaine, on retrouve les Philadelphia Sixers à la maison, puis derrière un déplacement et un début de road trip à l'ouest avec les Blazers et les Sacramento Kings. Voilà le programme de cette petite semaine. On le sait, on est dans la dernière ligne droite avant les playoffs. Il reste quoi? Un gros mois de compétition et quoi, 18 matchs, c'est ça, à jouer. Donc les matchs vont être un petit peu espacés, les Knicks vont être plus sur la route que à domicile sur cette fin de saison et des équipes qu'on n'a pas encore rencontrées. Les Kings, on ne les a pas encore rencontrées. Ce qui concerne les Blazers, oui, ils étaient venus au Madison Square Garden et ils s'étaient inclinés. À l'époque, on parlait pourquoi pas d'un trade pour Malcolm Brogdon. Bon, finalement, Malcolm Brogdon, il est resté dans l'Oregon, du moins il est resté dans cette équipe-là. Pour ce qui est de jouer, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, donc trois équipes, deux équipes de l'Ouest, une équipe de l'Est, un concurrent direct, et puis là, il y a peut-être un petit peu de la revanche. On n'en a pas parlé, il y a eu une petite altercation en fin de rencontre entre Dante DiVincenzo et Kelly Oubre Jr. Donc voilà, est-ce que ça va venir un petit peu attiser les rancœurs avant ce match de la revanche qui aura lieu donc dans la nuit de mardi à mercredi? D'ailleurs, il faudra bien faire attention aux heures des matchs. Il y a eu changement d'heure aux États-Unis. Ils sont un petit peu plus tôt pour nous, public français. Le match aura lieu donc à 00h30, heure française. Et puis derrière, donc voilà, deux déplacements. 3h du matin pour ces matchs de la côte ouest. Normalement, c'est 4, mais là, ça sera 3, 2 par ce changement d'heure. Tu vas nous donner un petit peu les dynamiques des uns et des autres, Seb. Donc, les Sixers, on le sait, ils viennent de s'imposer avec une très grosse défense face aux Knicks au Madison Square Garden. On n'est pas dans un back-to-back, mais ça ressemble un petit peu à une mini-série. Derrière, les... À voir si Maxi revient. Oui, ça peut changer la donne. Si Maxi revient, on aura peut-être des Knicks qui auront un sentiment de revanche. Donc voilà, en croisant les doigts. Concernant les Blazers, ben écoute, les Blazers, il faut une saison de tanking, tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de plus tank. Actuellement, donc, comme je t'ai dit, ils sont avant-derniers de la conférence Ouest. Ils ne sont pas encore officiellement éliminés de la course aux Spurs, course aux playoffs comme les Spurs. Mais ça ne saurait tarder, ils ont un bilan de 18-45. Leur dernier match, bon, il y a beaucoup plus de rouge hein, sur leur truc. Ils ont gagné en overtime les Toronto Raptors. Mais sinon, avant ça, ils avaient perdu contre Houston, ils avaient perdu contre Oklahoma, ils avaient perdu contre Minnesota. Ils avaient gagné une double confrontation contre Memphis. Avant de nous jouer, ils vont jouer Boston et Atlanta, c'est pas cadeau. Donc ça va. Et ils seront en back-to-back avec. Par rapport à ça, ils auront joué la veille, ils auront joué à Atlanta. Donc voilà les concernant. Ils n'ont pas de blessés particuliers. Tout va bien pour eux. Je sais pas ce que ça donne, leur petit rookie. Là. Il a mal commencé, mais je sais pas ce que ça dit au niveau de leur stat. Là, on en attendait beaucoup moins parler cette saison. Il n'est pas dans la course au titre de rookie de l'année, ça c'est certain. Mais il est à voir ce qu'il propose. En 44 matchs, il en a starté 16 pour 27 minutes de moyenne. Il a 13 points. 13 points, 3 rebonds par match. Pas foufou voilà, pour voilà, un numéro 3. Numéro 3 de la draft. Hein. Numéro 2, c'était Brandon Miller. Après, il est arrivé blessé. Mais bon, voilà les concernants. Et ensuite, pour nos amis des Sacramento Kings. Eux, pareil, leur effectif est au complet, pas de soucis là-dessus. Et sur les derniers matchs, ça souffle le chaud et le froid. Ça va te faire 3 victoires, puis 2 défaites, puis une victoire, puis une défaite. Bon, là, sur les 5 derniers matchs, ils sont sur un bilan de 3-2. Ils ont battu Minnesota en overtime. Ils ont battu les Lakers, il faut le faire, parce qu'en ce moment, les Lakers, ça carbure. Et ils ont battu les Spurs de 2 petits points. Et après, à côté de ça, ils ont perdu contre Chicago et ils ont perdu contre Houston. Donc, eux, c'est pareil. Ils font une saison qui est un petit peu décevante hein, par rapport à l'année dernière. Actuellement, ils sont 7e, donc ils sont premier play-in. Avec le même bilan que nous, 36-27. Donc, visiblement, on est quand même sur 2 équipes de même range. Avant nous, ils vont jouer, et c'est pas cadeau non plus, ils ont un calendrier assez dur, Milwaukee, les Lakers, et puis nous. Donc, voilà, donc effectivement, évident. Et en termes d'infirmerie, il n'y a pas de blessés notables. Pas de blessés, ils sont au taquet. Sabonis, en ce moment, sont sur les parquets. Tu regardes sur le dernier match, au niveau du box score, sur le dernier match, tout le monde est là, on a Fox, Werther, Murray, Barnes, Sabonis, l'équipe est au complet. Un petit Sabonis que Julius Randle aime bien jouer. Donc on en reverra si on aura l'occasion de voir un retour de Julius Randle. Il y a un moment sur les derniers updates vis-à-vis des blessures, ça parlait de mi-mars. Voilà, ce match aura lieu le 16. Donc pourquoi pas. C'est pas toi là, qui était confiant pour qu'il revienne. Arrête. Qu'il revienne la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais Jean-Michel complètement à côté de la plaque. La semaine dernière, Ah, mais il y avait la semaine dernière, écoute, tu avais une montée d'optimisme. 3-0, OG et Julius revenaient limite contre Rando. Ça y est, quoi. Eh C'est ben, la tu sais saison était quoi? partie. Tu Non, sais mais quoi? c'était beau à voir. C'était beau à voir. Peut-être que cette semaine, je vais avoir ce retour aussi, ce relent d'optimisme. On va voir, on va voir. Bon, deux questions, toujours. La fameuse question du prono qui va venir après. Mais d'abord, la question de c'est quoi le match à ne pas manquer cette semaine sur ces trois matchs? Est-ce que tu as une affiche qui te rend plus appétissante et te donne envie de voir un match plus que les autres cette semaine? Bah, il faut. Parce qu'en plus, on les rejoue à la maison. Il faut rebattre. Il faut battre les Sixers. Il faut battre ces Sixers. C'est ce match qu'il faut battre. C'est ce match qu'il faut gagner. Qu'il faut gagner. Enfin, il faut Ouais. tous les gagner. Mais c'est celui-là qu'il faut regarder C'est en bien. premier pour toi. D'accord, ok. Ah, ben, là, je pense qu'on va avoir un Brunson qui va être hyper revanchard de son match dégueulasse. Donc, il faut voir que Ok. cette semaine, quand tu fais le cumul, on a scoré 90 points de moyenne. T'imagines? Bon, le dernier match aussi, c'est Pas beaucoup foufou. baissé Ok. les stats. Mais c'est vrai que bon. Donc ce match, écoute, actuellement on est sur une victoire, une défaite. Une victoire, une défaite. On a perdu. On doit Donc on gagner le doit prochain gagner. match. Voilà, en Logiquement. théorie, c'est ça qui se passe. Bon, si toi, c'est le match des Sixers qui t'attire le premier, moi, ça va plutôt être le match des Kings. Alors, clairement, c'est pas la franchise qui me fait lever la nuit d'habitude pour regarder les matchs, même si ils ont retrouvé un semblant de légitimité la saison dernière, un peu de hype avec leur histoire de beam, de laser. Voilà, donc on verra s'ils auront l'occasion Light d'allumer le the beam. laser ou pas, ou si le laser sera cassé. Mais j'ai envie de voir ce match-là. Voilà, c'est les matchs de la conférence Ouest. C'est plus compliqué à regarder en live, mais c'est pas grave. Mais surtout, j'ai envie de voir le duel Julius Randle Sabonis. Parce que je sais pas, j'y crois cette semaine à ce retour de Julius Randle. On voit que OG Anunoby aussi est sur le chemin du retour. Allez, c'est bon, c'est maintenant là. Il faut quoi. Donc voilà, moi c'est plutôt ce match-là, cette opposition. Les Sixers, bon, il y a revanche à Il prendre, mais faut, ça doit se il faire. faut. Voilà quoi. Ça serait un accident. Et on sait que les Knicks en sont capables. Mais Bah voilà, oui. le match qui est censé être le plus important en termes de confrontation, le plus de compétitivité, c'est censé être celui-ci. Puisque comme tu l'as dit, c'est deux équipes qui ont un bilan relativement proche, voire comparable, même s'ils n'occupent pas les mêmes places dans la hiérarchie de leurs conférences respectives. Donc voilà, moi ça sera plutôt le match des Kings. Alors maintenant, le prono, moi je suis à côté de la plaque la semaine dernière, toi un petit peu, mais un petit peu moins. Alors honneur à toi, qu'est-ce que tu nous Allez. pronostiques pour ces trois matchs comme bilan? Je te pronostique comme bilan. 1. 4-0. Ah ouais, 2-1. bravo. Un 2-1. 2. Donc 2-1. Deux victoires. Et oui, on enchaîne là. On va prendre notre revanche sur les Sixers. On va prendre la victoire à Portland. Mais malheureusement, face à des Kings qui font aussi, enfin, qui cherchent également beaucoup de victoires pour remonter au classement à l'Ouest, qui est aussi un classement, c'est Okekora là. L'Ouest, actuellement, en play-in, c'est les Kings, les Mavericks, les Lakers et les Warriors. Parmi ces quatre équipes, tu en as deux qui ne verront pas les playoffs. Tu t'imagines? Donc, on peut avoir un Luka, encore une fois, ou un Steph Curry qui ne verra pas les playoffs. Ou un Ou un LeBron. LeBron, Enfin, ou un bref. LeBron. Et en sachant que les Pelicans qui ont 39 victoires et 5e, ils ont quoi? Ils ont 3 victoires par rapport aux Lakers qui sont 9e avec 36 victoires. Donc C'est-à-dire tout si c'est ça aussi se serré et tient si chez eux. c'est des matchs qui comptent Ça se tient chez contre les eux. Kings. Ouais. Exactement. Donc je pense que ils vont vraiment chercher à nous battre, surtout chez eux. C'est pour ça que je pars du principe de Que tu façon vois une logique défaite. et froide, voilà, de façon totalement pragmatique, Ok. 2 à 1. J'entends, on note, tu repars sur un 2-1 comme la semaine dernière. Eh bien moi, comme la semaine Ça va bien dernière, finir par non sourire. pas de pragmatisme et de froideur, je vais être dans la chaleur et dans l'euphorie et l'enthousiasme, j'espère, en tout cas Dans le je le souhaite partage. très fort. Moi je vois un 3-0, voilà, 3-0 cette semaine, avec le fameux retour de Avec le Randle. Et à un moment, à force de le répéter, il va bien finir par revenir. oui, ah mais c'est ça, écoute, ça c'est sûr, c'est évident. Voilà. Épisode 81, prenez note, c'est le retour de Randle. C'est voilà. Une semaine à 3-0, il faut reprendre un petit peu de victoire, il faut épisode consolider 96, cette place de 4. Vous. Je l'avais dit. Non, mais voilà, effectivement, on sait que les joueurs sont en chemin d'un retour à la compétition. On les voit s'entraîner, on les voit s'échauffer. On a vu, entre autres, Julius Randle, on avait partagé la vidéo sur X, qui mouille vraiment à grosses gouttes le maillot lors des séances d'entraînement. Oui, non, mais ils sont en phase pour... vraiment de reprise. Hein. Voilà. Ils sont au vraiment pire, tu mets la petite protection voilà, pour les épaules, et puis voilà, on joue doucement. Mais voilà, non, je pense que même face aux Sacramento Kings, il est possible que les Knicks s'imposent. Ça ne sera pas facile, ce ne sera pas évident. C'est clairement la plus grosse opposition pour moi cette semaine. Oui, il y a une revanche à prendre, parce que voilà, cette défaite-là face aux Sixers, elle nous reste vraiment en travers de la gorge, parce que l'adresse était vraiment absente pour tout le monde. Ça sera peut-être pas bon pour tous les joueurs, mais il y avait nettement matière à passer cette étape, cet écueil des Sixers. OG Anunobi aussi, qui a l'air de s'échauffer, d'être en voie pour un retour. Voilà, ça va peut-être être un retour étalé dans le temps pour ces différents joueurs, mais il y a moyen d'aller chercher quelques victoires, parce que le calendrier va être encore un petit peu plus compliqué les semaines prochaines. Il reste, il reste quasiment un mois de compétition. Il n'y aura plus que 15 matchs. Il n'y aura plus que 15 matchs après cette semaine. Le dernier match, c'est le 14 avril. On est le 11 mars. Donc, tu vois, environ, il reste un mois de compète, 18 matchs. La course est lancée et elle va être ardue parce qu'il y a du gros. La fin de calendrier est compliquée, mais ça, on en parlera dans les prochains épisodes. Voilà, on aura l'occasion de débriefer pour savoir si notre pronostic est bon cette semaine. T'as eu ce teasing? Et n'oubliez pas, en tout cas, save the date, comme on dit. C'est pas cette semaine, c'est pas ce samedi, ça sera le samedi de la semaine prochaine. La KNF Viewing Party est de retour pour jouer et défier. Enfin, c'est eux qui vont venir nous défier dans notre salle, les Brooklyn Nets. Donc voilà, sauvez la date, save the date. Un des rares matchs à la maison, donc il faudra en profiter à une heure raisonnable aussi. Un samedi, profitons-en. Voilà, donc maintenant vous avez tout pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut bien faire. On attend bien entendu vos pronostics en commentaire. Voilà, faut pas avoir peur de se mouiller, de se jeter à l'eau pour ses pronos. De toute façon, au pire, on a bon, au mieux, on a bon. Voilà, c'était tout pour nous pour cet épisode 81 de Avenix Week. On vous souhaite bien évidemment une très bonne semaine. On va souhaiter aux Knicks gagner le maximum de matchs. Restez courageux. Les temps sont durs, mais les Knicks sont quand même quatrième. Voilà, donc malgré toutes quand. Ces difficultés. Jusqu'à quand. Et n'oubliez pas, Julius est de retour. Si, si, il est de retour. Et OG, bon, voisin du dessous. Mitch. Tous. Voisin du dessous. Et le championnat. Bonne semaine. ouais, toi aussi, hein. Accroche-toi. Hein. Parce que, bonne semaine de régulière. Ça va faire mal. Mais non, on va être prêt pour aborder ça de la bonne des façons, de la meilleure des façons. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine à toutes et à tous. Et salut. Rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure, 18h30 sur YouTube et quelques heures après sur les plateformes de streaming audio. Allez, bonne semaine et à Venix Week, tout simplement. Ciao, ciao.